Bonjour Francophones, bienvenue au French Pod. Bonjour à tous, je suis Amaury. And I'm Erica. We got an intermediate lesson. What's it about? Nous avons un petit problème. What kind of problem? Un petit accident de voiture. A little fender bender, right? Voilà. A little French fender bender. Alors, est-ce que c'est grave ou pas? I guess we'll see how serious it really is. So, the accident just happened, right? Il y a 2 minutes. And they're about to get out. Et voir comment régler le problème. Yeah, see whose fault it is and how they're gonna solve this little situation. Voilà. Alors maintenant, écoutons le dialogue. Okay, let's do it. Qu'est-ce que vous avez fait, là? C'est pas moi. Regardez, vous avez grillé le stop. Alors, c'est de ma faute, peut-être? Et le panneau stop, c'est moi qui l'ai inventé? Ça fait 10 ans que je passe par ici, et je ne l'ai jamais vu. De toute façon, elle n'a rien, votre voiture. Hein? Oui. C'est bon. C'est pas si grave. Bon, ben, au revoir, alors. Au revoir. These guys were mad. Eh, c'était presque un drame. It was a drama, really. Presque, hein? It was. Non, c'est vrai, c'était un drame. Yeah. Ouais. And then afterwards, though, they just kind of shook hands. And we're going to maybe talk about that a little bit later, about what the heck just happened. Ouais. So they got out of the car, right? Ils sortent de leur voiture. And started making accusations. Voilà. Donc, la première personne... Uh-huh. What do you say? Qu'est-ce que vous avez fait là? What is the law there for? Like, qu'est-ce que vous avez fait là? Like, we would just say, what'd you do? But you guys have that law in there. Comme il est énervé, il montre le problème. The way to show the problem is to say là. Voilà, juste devant nous. Yeah, right there, là. C'est ça. Do you use that with other verbs or just there? Ouais, like, give us another example of where you would use the, like, the law there. Alors, qu'est-ce que vous avez dit là? Si je ne te comprends pas bien, qu'est-ce que tu as dit là? If I don't understand someone, then I can say, qu'est-ce que tu as dit là? Here, though, he's like, qu'est-ce que vous avez fait là, loser, in my car? Voilà, tu as compris. And of course, he's like, psh. C'est pas moi. Was me. C'est jamais moi, c'est jamais l'autre. Yeah, c'est pas moi. Comme les enfants disent toujours. What's his evidence here? Bon, alors, la raison, vous avez grillé le stop. Okay, yeah, so let's talk about that. So, what does that mean exactly? That means like to... Vous n'avez pas respecté... Le panneau stop. So you ignore it or you don't respect it, you don't pay attention to it. You crie le stop. Mm-hmm. What else can you crier? Alors, on peut griller le feu rouge. Okay, so same kind of thing. It's only in traffic then, the red light, the stop sign. Exactement. Le panneau stop. So this word crier then is like, it's for traffic. Voilà, ou la priorité. Right away. Voilà. Okay. Donc c'est une expression quand on roule. When you're rolling, ouais. Quand on roule dans la voiture. Ou à moto, ou en camion, mais c'est utilisé dans ce contexte-là. Something that is a vehicle. Voilà. All right, this is one of those cases where nobody wants to take responsibility for the situation. On rejette la faute. Yeah, to the other person. Voilà. C'est de ma faute, peut-être. This one's hilarious, right? They got a couple things to ask you about this one. First we have, c'est de ma faute. Une expression encore. Yeah, it's my fault. Voilà. But the de there isn't necessary. Can you say it without it? Or do you have to say it's de ma faute? Beaucoup de gens disent c'est ma faute. Okay, so a lot of people say it. Oui. But it's not really very French. Non, si tu veux bien parler. Okay, then you gotta say the de. C'est de ma faute. Yeah, if you want to sound like you really speak French. Voilà. C'est de ma faute. Mais si tu dis c'est ma faute, tout le monde comprend. But it's better to have the de in there. Voilà. So this one's weird, right? Because he says, alors, c'est de ma faute. Peut-être. Peut-être, maybe. So it's funny because like the literal translation is like, so it's my fault. Maybe. What's the maybe? C'est pour accentuer. Accentuate what? Le fait que ce n'est pas de sa faute, qu'il ne croit pas que c'est de sa faute. It's like irony, really. Exactement. You say, c'est de ma faute. You really don't think it's your fault. So you add the peut-être. How do you say stop sign? Le panneau stop. Okay, le panneau. Is that only for a stop sign or what else can be a panneau? Like, for example, a billboard, is that a panneau? Oui, c'est un panneau publicitaire, là. Okay, but here we have a panneau stop. Stop. Why are they using stop? It's not an English word. How come it's not le panneau arrêt? Parce qu'en français, on prend des mots de la langue anglaise aussi. So he stole it from, he took it from English. Ben oui. That's okay. C'est vrai. Makes it easier for us. Okay. Et juste que dans la phrase avant, il n'y avait pas le mot panneau. Uh-huh. On n'est pas obligé de le dire. Okay, so yeah, because before it said crier le stop. Voilà. And he didn't use the word panneau, it's not necessary. Voilà. C'est évidemment la même chose. Right, so the stop or the stop sign, it's okay. Mm-hmm. Yeah, because we couldn't say that in English. We couldn't say the stop. You have to, the stop what? En français, on peut. Okay, in French, you can though. All right, now this next sentence, that's pretty funny. C'est moi qui l'ai inventé. Peut-être. Voilà. He doesn't say peut-être, but he could have, huh? So this is another place you could say it. Tu as tout compris. All right, okay. So let's talk about this in a minute because the construction is a little bit weird. C'est moi qui l'ai inventé. Okay, so this construction, c'est moi qui l'ai inventé. D'accord. That the A agrees with the moi. It would be like, j'ai inventé, c'est moi qui l'ai inventé. Oui. It doesn't agree with the qui. Non. So give us some more examples. C'est nous qui l'avons inventé. Avons agrees with the nous, even though there's a qui in the middle. C'est ça. Okay, c'est moi qui l'ai inventé. C'est vous qui l'avez inventé. Okay, what's one more? C'est toi qui l'a inventé. He makes quite a big claim in this next part, huh? What's he say? Alors, ça fait 10 ans que je passe par ici et je ne l'ai jamais vu. You're right. So, it must have been put there yesterday. Voilà. So, let's look at this expression here. Ça fait 10 ans que. It's been 10 years that. Ouais. So, give us some examples with the ça fait thing, because that's an interesting, very French sort of way to talk about time durations. Ça fait 6 mois que je ne t'ai pas vu. I haven't seen you for 6 months. Voilà. Okay, I'm not going to translate the next one. Give us 2 more. Ça fait une semaine que je ne me suis pas lavé. That's what that smell is. That's gross, Henri. I thought I had enough perfume. You should have used the word he instead of I on that one. I think you need to take a shower. Okay, give us another one. Une autre. Ça fait 15 jours que je ne suis pas allé au cinéma. Okay, because you love the movies, you go all the time. So 2 weeks is a big hardship. Yeah. Ouais, pour moi, c'est beaucoup. Okay, well, I'll take you out to the movies later. So now they've all, they got both the guys have said their piece, right? They said, c'est de ta faute. No, c'est de ma faute peut-être. Right? And then now that they've said their piece, what happens? Alors, on revient un peu à la réalité. Yeah, let's get back a little to reality here. De toute façon, elle n'a rien, votre voiture. Okay, de toute façon, in any case, anyways, de toute façon. Now, let's look at, this is the last thing we're really going to look at. Elle n'a rien, votre voiture. Okay, because it's kind of weird. It has nothing, your car. Encore une fois, c'est parce qu'on a une conversation où les gens sont... Really making a point here. Voilà, ils sont enflammés, ils rajoutent, ils parlent beaucoup. Yeah, they had a little too many... Voilà. Et donc, pour vraiment dire que sa voiture... And so they really want to point out nothing here. Like, nothing, your car. There's nothing. Rien. Right. Elle n'a rien, votre voiture. Okay, give us 2 examples of that. So, Amri, you totally just spilled some stuff on my shirt. Mais enfin, Rika, elle n'a rien, ta chemise. Okay, fine. Hey, you just stepped on my shoes and now they're all messed up. Elle n'a rien, ta chaussure, Erika. Okay, fine. Quelque chose qu'on dit aux femmes souvent, c'est qu'elles se plaignent. Women might complain, Henri, but... D'accord, elles ont raison. Guys need to be more careful with our clothes and shoes, right? Parce que c'est grave. C'est vrai, c'est très grave. Which is what he said later, right? Ah, oh, c'est pas si grave. The car, c'est voilà. Bon. Ce n'est pas la fin du monde. And then they shake hands. Au revoir. Right. Finalement, alors on écoute encore le dialogue. Okay. Qu'est-ce que vous avez fait, là? C'est pas moi. Regardez, vous avez grillé le stop. Alors, c'est de ma faute, peut-être? Et le panneau stop, c'est moi qui l'ai inventé? Ça fait 10 ans que je passe par ici, et je ne l'ai jamais vu. De toute façon, elle n'a rien, votre voiture. Hein? Oui. C'est bon. C'est pas si grave. Bon, ben, au revoir, alors. Au revoir. Tout est bien qui finit bien. Yeah, all's well that ends well. Ce n'était pas si grave. Yeah, it was fine. But you know what's funny is like this dialogue, When I used to live in Paris, I would sit on my balcony ouais. and watch life go down below. And I saw this a couple times. Vraiment? Yeah, I did. I would see two guys, they'd hit their cars, they would get out of the car and they'd be like, oh, you know, they're yelling, they're getting all mad at each other. Et toi, tu croyais qu'ils allaient se battre? Yeah, I thought any second they're going to punch each other's face. And then all of a sudden, they would just stop. They would shake hands and smile and leave. It was so weird. It was so French, really. Et toi, tu comprenais No, I didn't get it. And the first time, I thought it was weird. I'm like, those must be weird people. But then the second time, ouais. wow, this must be a French thing. Mais disons qu'on essaye de pas se battre. Well, yeah, but I mean, I could see if you're not trying not to come to blows and punch each other, but... I Mais mean, how can you get so mad and then, like, just like that, be like, okay, have a nice day. Au revoir, no problem. Yeah, so what's it all about? I don't get it. Voilà, ils sortent de leur voiture, ils sont pas contents. Yeah. Et ils savent déjà qu'ils veulent avoir raison. They both want to be right. Même s'ils ne savent pas vraiment ce qui s'est passé. Right. No, who knows what actually happened. C'est la faute de l'autre. Right, sure. Ce n'est pas de ma faute. Voilà, exactement. Or, c'est de ma faute peut-être. Yeah, I just thought it was a pretty interesting phenomenon. It's weird. Vu de l'extérieur, yeah. comme ça, ça doit être... un peu bizarre, ouais. Especially from above, you ouais, know. I was watching it from up there. I couldn't hear what they were saying. And si tu étais de ton balcon, yeah. tu as dû voir les gestes, les gens. Yeah, all I saw was their hand movements and their anger. And oh. Ça devait être marrant. It was pretty funny. Ouais. It was anticlimactic too. It was like the drama was going on. Ooh, what's gonna happen? And oh, they just stopped shaking and smile. Bye. Let's alors... do dinner. Ah, ça c'est en France. C'est la France en. It was in Paris. Ouais, mais. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. No way. I think if you're coming to the point where you're all in each other's face and there's going to be some blows or somebody's going to have to come and pull the people away from each other, they would definitely not just stop. Ouais. And suddenly you become friends. Shake hands. Une petite conversation arrange tout. Just a little communication and everything's voilà. fine. Alors voilà, c'est fini pour cette leçon. OK. Par contre, n'oubliez pas de venir visiter le site FrenchPod. Yeah, please come visit us. You can leave comments, ask questions. Vous pourrez pratiquer cette leçon et faire des exercices. And you can talk to us there too. C'est vrai ça, Erika. Alors maintenant, à la prochaine. Allez, Erika. Ben, au revoir alors.